Vous écoutez France Culture. La radiodiffusion télévision française présente France Culture. Non, une seconde, je compte. Pourquoi faire ? France Culture, 50 ans de radio. Une émission de Philippe Garbi et Emmanuel Laurentin. Bonjour. Une semaine intitulée « Les voix de la francophonie » suppose que l'on entende, c'est tout simple, des francophones, évidemment amoureux de notre langue, l'enrichissant comme naturellement, donnant à d'anciens mots de nouvelles saveurs, et le tout avec une facilité déconcertante, tandis que nous, dans l'Hexagone, luttons contre son appauvrissement. Les Québécois, les Africains, les Wallons, les cinéastes italiens ou polonais, les écrivains argentins, c'est un régal et une leçon de les écouter parler au micro de France Culture. Que faire de notre côté ? Défendre la langue française. Mais question, faut-il défendre la langue française ? Réponse dans le grand débat présenté par Patrice Gélinet le 25 avril 1994, un débat diffusé en deux parties, deux lundis de suite, et voici le début de la seconde partie. Langue de culture ou langue d'affaires. Tout le monde s'accorde à reconnaître en effet l'importance des enjeux culturels de la francophonie, mais ils sont encore tenus pour secondaires dans l'ordre politique et assez négligeables quant à leur aspect économique, commercial et scientifique. Dans ces trois domaines, la langue française est menacée par l'utilisation systématique de l'anglo-américain. Dans la première partie du grand débat, la semaine dernière, nous avons fait déjà l'état des lieux un peu de la francophonie dans le monde, évoqué ce que l'on pourrait attendre du sommet francophone qui vient de se tenir à Paris, et puis en général de la francophonie dans le domaine où elle est donc le plus menacée, le monde des affaires. Aujourd'hui, nous poursuivrons sur notre lancée, nous terminerons un petit peu de parler du français dans les affaires, mais il sera également question des sciences et des techniques, et puis nous demanderons enfin s'il ne faut pas finalement se résigner à accepter une langue unique, l'anglais, ou refuser au contraire les risques que comporte l'usage exclusif de ce que un avocat, Philippe Ginestier, appelle l'espéranglais dans la revue de la Délégation Générale Langue Française, Les Brèves. Participent à cette deuxième partie les mêmes invités que la semaine dernière, Yves Reckland, président de l'Université de Paris 9 Dauphine, Jean-Marcel Logini, président de l'Action pour promouvoir le français des affaires, Didier Pourquery, journaliste, ancien rédacteur en chef de Sciences et Vie Économie et qui ces jours-ci entre à la Tribune de l'Expansion comme rédacteur en chef adjoint, Bertrand Renouvin, membre du Conseil économique et social, enfin Philippe de Saint-Robert, écrivain, ancien commissaire général de langue française et membre du Haut Conseil de la francophonie. Alors, la semaine dernière, nous avions évoqué les difficultés, justement, que pouvait rencontrer le français dans les échanges commerciaux, dans les affaires, et on peut se demander, au fond, si la francophonie n'est pas elle-même menacée par une législation trop contraignante en matière de défense de la langue française qui serait en contradiction avec nos engagements extérieurs et notamment européens. Nos partenaires européens nous accusent de protectionnisme. Je crois que lorsqu'une loi pour la défense de la langue française, la loi Balloriol, réprimait justement l'usage abusif du français dans les affaires, eh bien, les Européens considéraient qu'il s'agissait là d'une restriction quantitative à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent. Tout ça, c'est interdit par l'article 30 du traité de Rome. Alors, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas contradiction entre la volonté de défense de la langue française et nos engagements internationaux ? Philippe de Saint-Robert, je vous vois réagir. Non, mais parce que je me demande de quoi vous parlez réellement. Et avez-vous lu la dite loi Balloriol, loi relative à l'emploi de la langue française, qui n'a jamais interdit aucune langue étrangère, qui simplement a prescrit dans certains cas très particuliers l'usage de la langue française pour la raison simple, c'est que nous avions à un moment donné des incidents résultant du fait que des modes d'emploi d'objets ou de médicaments circulaient dans des langues étrangères que le consommateur ne comprenait pas et que c'était un véritable danger pour l'usager. Cette loi n'a aucun des caractères que vous lui prêtez. Non, mais c'est pas moi qui lui prête, la communauté européenne. Oui, mais la communauté européenne, la communauté européenne dit ordinairement sur ces sujets n'importe quoi. Elle considère que c'est du protectionnisme déguisé. C'est ce qu'elle a essayé de dire, mais elle ne l'a jamais démontré et l'affaire n'a jamais été jugée. Alors, il ne faut tout de même pas exagérer. Par ailleurs, si effectivement elle a essayé de prétendre que d'imposer des traductions aux frontières un certain nombre de produits était une manière déguisée de protectionnisme, il n'en est pas moins vrai que l'article 36, si je me souviens du traité de Rome sur la protection du patrimoine, aurait suffi à tout gouvernement un peu bien inspiré pour répondre à cette objection. Car si, effectivement, on peut toujours utiliser n'importe quel argument, mais Dieu sait si on le fait aussi pour le conditionnement, pour l'environnement, pour toutes sortes de définitions, on peut aussi arguer du fait que la protection des patrimoines, elle, ne saurait tomber sous le coup de ces articles que vous venez de citer. Et tout ça, c'est une très, très mauvaise querelle. D'ailleurs, personne n'a insisté. Simplement, D'ailleurs, la loi Balloriol, hélas, dont plusieurs gouvernements ont annoncé à plusieurs reprises, non pas qu'ils allaient la supprimer, mais qu'ils allaient la renforcer pour la rendre un peu plus respectée et respectable, n'est même plus appliquée pour des raisons qui m'échappent et qui tiennent bien évidemment d'une part à la chancellerie, qui finalement trouve tout ça très ennuyeux, au service de la répression des fraudes qui ne fait pas son travail, et puis au fait que les associations qui étaient chargées effectivement de mettre en œuvre cette loi se sont vues couper au cours des années toutes leurs ressources. Par la délégation générale de la langue française. Mais tout ceci dit, la loi est en vigueur et normalement, tout citoyen qui aurait à se plaindre de sa non-application pourrait le faire, mais ce n'est pas du tout une loi répressive, c'est une loi extrêmement modérée. Elle prévoit des peines quand même. Des peines qui n'équivalent même pas à une contravention que vous encourez, vous, si vous vous garez là où vous ne devez pas vous garer. C'est une loi dont les conséquences sont extrêmes, ne sont que trop bénignes, précisément. Ce qu'on peut lui reprocher, le fait qu'elle a été inefficace, c'est effectivement, n'importe quelle entreprise qui voulait violer cette loi n'avait qu'à mettre intégré dans son prix de revient les contraventions à payer. Jean-Marcel Logini. Oui, je voulais aller dans le sens de Philippe Saint-Robert pour souligner que cette loi, en effet, ne fait que confirmer, au fond, la simple efficacité commerciale. Dans une efficacité commerciale, on doit s'exprimer dans la langue de l'autre, dans la langue de l'acheteur. Et donc, en effet, c'était le problème surtout des notices d'emploi. Mais à travers ce problème d'une législation linguistique, par contre, vous avez fait référence à Philippe Ginestier. Je pense qu'il serait bien mieux pour parler de ceci. Je pense qu'il connaît parfaitement son sujet. Il avait exprimé, il avait fait un exposé remarqué, et ce qui a donné justement ce papier dans les brèves, lors de la troisième journée du Français des Affaires, le 23 octobre 1990, au ministère de l'Économie et des Finances, justement, et il posait le problème de la langue des contrats dans l'Europe de 93. Et il disait, si on n'a pas la sagesse de faire des recommandations, pas forcément la législation, faire des recommandations pour qu'on n'ait pas des problèmes très difficiles à résoudre, si le contrat n'est pas dans la même langue que celle du procès et de celle du juge. Et ainsi, il affirmait cette règle, après beaucoup de réflexions, c'est pas forcément la langue française qui est en cause, mais ce sont toutes les langues européennes et même toutes les grandes langues maternelles. Et il proposait cette règle, la triple unité que vous aviez dans ce document dont vous faisiez référence, c'est que pour chaque contrat, la triple unité de la langue du contrat, du droit applicable et du procès, écriture, débat et plaidoirie, décision. C'est une solution de sagesse. Vous dites que pour vendre, finalement, il vaut mieux s'exprimer dans la langue de l'autre, dans la langue du client. Mais le problème se pose aussi pour des entreprises françaises qui considèrent qu'il vaut mieux porter un nom anglais pour mieux vendre en France. Il y a une marque de cigarettes, je ne ferai pas de publicité, qui, justement, produite par la Seita, qui finalement, d'ailleurs, n'a pas tellement fonctionné. On va au drugstore. J'ai vu, d'ailleurs, que c'était traduit dans le dictionnaire des termes officiels. On traduisait drugstore par drugstore, d'ailleurs. Dans un cuir center, enfin, on voit partout une profusion de marques qui utilisent l'anglais en prétendant et en prétextant que, finalement, elles vendent mieux leurs produits à des Français. Quand elle porte un nom de marque en anglais. Écoutez, ça, c'est ce qu'ils croient, mais ça, c'est un phénomène de snobisme qui ne me paraît pas mériter 3 minutes d'examen ou de débat ici. Ça n'a franchement absolument aucun intérêt. Je veux dire, le problème de la langue française n'est pas de résoudre le problème des fantasmes des uns ou des autres. Et, vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'anglomanie est une très vieille chose en France. Elle existait déjà du temps de Voltaire. Le problème, c'est que maintenant, elle est descendue dans la rue et puis c'est tout. Il n'y a vraiment pas lieu de. Il paraît qu'il y a des Anglais qui s'inquiètent aussi parce qu'il y a des mots français dans l'anglais. Enfin, ça, c'est quand même pas. On va même pas tourner autour de ce problème qui me paraît tout à fait secondaire et qui n'est pas du tout lié à l'avenir du français comme langue internationale. Christophe Béguin, vous êtes étudiant donc ici à Paris 9. Oui, tout à fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, si la langue française ne séduit plus et si on se reporte sur la langue anglaise, c'est peut-être simplement parce que elle ne respire plus. Qui parle donc dans les médias, etc., une langue vivante, une langue facile à comprendre. Alors, on entend plutôt, au contraire, un espèce d'enrobage technocratique, un espèce de castration de la langue qui n'est pas du tout facile à faire passer. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les jeunes, c'est eux qui devraient créer la langue de demain, un petit peu la langue française de demain. Les jeunes se reportent soit sur l'anglais, effectivement, soit sur le verlan, soit sur des vocabulaires dans lesquels ils sont beaucoup plus à l'aise, finalement. Parce que c'est leur langue à eux, et ils se reconnaissent plus dans ces mots-là que dans ceux qu'on entend à la radio ou même ici, quoi, par exemple. La France Culture. Oui, mais ça, c'est ce que vous dénoncez. C'est le phénomène de la langue de bois qui est effectivement bien connu de nos politiciens et de nos technocrates. Quand vous parlez du verlan, il y a toujours eu des argots, et je trouve que ça fait partie de la vie de la langue. Je veux dire, ce n'est pas une nouveauté dans la langue française qu'il y ait des argots qui se constituent. Ce n'est pas une nouveauté, mais jamais il n'a été aussi développé, jamais il n'a été parlé par autant de gens. C'était un langage de bandit. Alors maintenant, il est parlé même à Dauphine, dans les plus grands lycées de Paris, etc. Donc ça devient vraiment un phénomène bien plus répandu. Et ça, il y a une interrogation à poser, là, quand même. Je crois que François Villon parlait déjà ce langage. Oui, mais c'était un poète et un bandit. Ouais. C'était un poète et un bandit, oui. Oui, Didier Pourquery. Oui, juste un point là. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect ampoulé que peut prendre le français dans certains cas. Mais je dois reconnaître aussi, pour reprendre le mot tout à l'heure d'Asper Anglais, que de là à parler, par exemple, en Europe, une espèce d'anglais d'aéroport, ce que j'appellerais un anglais d'aéroport, c'est-à-dire un anglais avec très peu de mots, très mal prononcés la plupart du temps, qui permettent d'avoir une sorte de consensus mou sur des choses extrêmement simples. Je pense que ce n'est pas une alternative. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Europe de demain, on en a parlé la semaine dernière déjà, il y aura trois ou quatre langues à la Suisse, un système à la Suisse, comme disait Ivar Reckling. Bon, ces trois langues, elles cohabiteront. Il n'y a plus personne qui croit aux États-Unis d'Europe avec une seule langue pour une pan-Europe. Donc, il y aura plusieurs langues. L'idée, c'est de les faire cohabiter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une langue officielle. Le français est une des langues officielles de la CE, après tout. Mais que le français a du mal à étendre sa sphère d'influence ou à défendre sa sphère d'influence, par exemple, à l'Est. Course de vitesse avec les Allemands, actuellement. On a beau être très content de redécouvrir qu'il y a des gens qui parlent français en Bulgarie et en Roumanie. C'est les pays les plus pauvres, d'ailleurs, qui ne peuvent rien nous acheter pour le moment. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Alors que la Hongrie ou l'Allemagne de l'Est, par définition, la Hongrie ou la Tchécoslovaquie sont très germanophones. Bon, il y a une course qui se fait actuellement qu'on est en train de, sur laquelle on n'est pas très armé. Hein. Et là, c'est sur ces problèmes-là que sont en train de se jouer les enjeux linguistiques de demain. Hein, ce n'est pas sur des problèmes d'anglais d'aéroport pour tout le monde, il me semble. Linguistique et économique, vous semblez. Le problème est simple. L'Allemagne vient de mettre des sommes considérables au service de la reconversion en professeur d'allemand, d'un certain nombre, notamment de professeurs de russe qui ne servent plus à rien. En regard de quoi, je ne vous dirai pas ce que la France a fait, parce qu'elle a fait quelque chose. Elle a d'ailleurs pris ailleurs, comme d'habitude, pour faire un effort sur l'Europe de l'Est, mais par rapport à l'effort fait par... Et là, il s'agit bien, on est bien obligé de se référer quand même à ce que font les États. Ce sont là, eux qui peuvent agir. Par rapport à ce qu'a fait l'Allemagne, ce que nous avons fait est à peu près dérisoire. Ça existe, on a fait un effort, encore une fois, en prenant l'argent ailleurs, c'est-à-dire aux dépens d'autres pays. Donc, par conséquent, il n'y a pas eu d'effort global supplémentaire fait par nous dans le sens de la diffusion de notre langue. Au contraire, nous continuons à diminuer et à restreindre le réseau de la diffusion de notre langue à l'étranger. Alors, ça s'appelle du redéploiement, comme vous savez, parce qu'on a tellement pour ça, on est très fort, vous avez raison, dans le domaine de la langue de bois, pour donner à nos replis, à nos renoncements des mots redondants, nous sommes très, très forts. Alors, nous restructurons, nous redéployons à longueur d'année, à longueur de journée, et le résultat est ce que vous dites. Mais on est bien obligé à ce moment-là de se référer au discours officiel. Or, il y a une espèce d'antinomie permanente dans ce domaine entre les discours officiels et les réalités. J'ai sous les yeux, je ne vais pas vous infliger tout cela, un certain nombre de déclarations qui ont été faites depuis le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand concernant la défense de notre langue. J'ai sous les yeux une lettre du général de Gaulle au secrétaire perpétuel des Académies des sciences où il dit « Il est en effet déplorable que la langue française, si remarquablement adaptée par sa clarté et sa précision à l'expression de la pensée scientifique, soit trop souvent trahie par cela même auquel il incombe d'en maintenir ou d'en imposer l'usage. Il est en effet d'intérêt national que savants et techniciens s'inspirent dans l'emploi de notre langue du respect que la science se doit à elle-même. Je passe à M. Pompidou déclarant au soir de Bruxelles le 20 mai 71 « Si le français ne restait pas la première langue de travail de l'Europe, celle-ci ne serait pas tout à fait européenne. Je passe à M. Jacques Lang, écrivant dans Le Monde du 3 janvier 81 que les gens qui ne sont pas pour la langue française font du vichisme. Et ça, c'était M. Giscard d'Estaing qui était visé. J'ai une lettre de M. Chevènement, ministre d'État, chargé de la recherche et de la technologie, à messieurs les présidents et directeurs généraux des grands organismes de recherche et de développement technologique, où il impose ou tente d'imposer l'emploi de la langue française en leur demandant de veiller à ce que les chercheurs placés sous leur autorité emploient systématiquement le français, d'inciter ceux de vos collaborateurs qui publient leurs travaux à le faire en français, de prendre toutes les dispositions pour qu'à dater du 1er janvier 82, tous les congrès, rencontres et colloques internationaux organisés en France, tu parles. Mais il n'y a pas de renoncement, bon, là. Il n'y a pas de renoncement, les ponts et chaussées viennent d'organiser un colloque. Tout à l'heure. Non, je suis en train de vous dire le discours officiel. Oui. Et en regard de ce discours officiel, nous avons que les Ponts et Chaussées viennent d'organiser la semaine dernière à Paris un colloque où la langue française était interdite sous prétexte que c'était un colloque patronné par la Commission européenne et qu'il s'agissait du programme Comet. Voilà, je peux continuer. J'ai ici l'allocution de M. Mitterrand devant l'Académie française décembre 85. Quoi de plus important que ce qui touche la structure de l'aide, donc la défense de la langue, servir la France en tant que nation, mais aussi en tant que vecteur de civilisation, source de pensée universelle. Il citait le mot de Brodel, la France, c'est d'abord la langue française. Bon, et puis ça continue comme ça indéfiniment. Là, il y a un discours officiel constant de tous les chefs d'État successifs. On trouverait peut-être même 2 ou 3 phrases de Giscard, bien, en faisant un effort, ou peut-être de Raymond Barre, je ne sais pas. Bon, mais le résultat, c'est qu'en regard de cela, il n'y a pas de volonté politique réelle, il n'y a pas de moyens réels, c'est ce que je voulais dire. Il y a un discours et puis il y a une réalité qui est le contraire du discours. Oui, enfin, il n'y a pas nécessairement renoncement. Nous parlions la semaine dernière, j'avais vaguement évoqué au tout début le problème tout de même du deuxième pays par le nombre de ses locuteurs qui, bon, selon vous, était le Québec, mais c'est aussi l'Algérie qui en aurait 7 millions. L'Algérie ne fait pas partie donc de la francophonie et elle est en train effectivement de faire reculer le français en 88 en interdisant aux Algériens de fréquenter les établissements français. Récemment, en prévoyant une arabisation totale de l'administration en 92, dans l'université en 97, initiatives algériennes qui ne visent pas du tout les Anglais. Il se trouve que le fils, ça doit provenir sûrement justement des progrès du fils, le fils, lui, en revanche, ménage l'anglais. Il n'est pas question d'interdire aux jeunes Algériens d'aller dans les établissements où l'on parle l'anglais. Mais devant ce type d'initiative, que peut-on faire ? Là, vous parlez de renoncement. Non, mais attention. Non, mais écoutez, non. Là, je vous ai parlé de la politique de la France vis-à-vis d'elle-même dans le domaine de la langue française. Là, vous me parlez de l'Algérie. C'est quand même deux problèmes tout à fait différents. Nous avons autorité sur nous-mêmes, nous n'avons pas autorité sur un pays libre et indépendant qui, s'il veut ne plus parler français, ne parlera plus français. Je veux dire, on peut avoir une politique algérienne, méditerranéenne, arabe, etc., etc., qui peut-être un jour réconciliera l'Algérie avec la langue de l'ancien colonisateur, mais le problème n'est pas le même que quand je parle du manque de volonté politique que met le gouvernement français à faire que la langue française soit respectée par ceux qui doivent l'utiliser en France. C'est tout à fait autre chose. Extrait de « Faut-il défendre la langue française ?», deuxième partie du grand débat présenté par Patrice Gélinet le 25 avril 1994 dans une réalisation de William Duncan. À quoi ça sert en fait d'être nombreux, tout un pays par exemple, à parler la même langue ? À se comprendre, tout simplement. Dans un premier temps, c'est bien pratique, ça crée du lien social, comme l'on dit. Mais au bout d'un certain temps, on peut aussi s'apercevoir que l'on n'a plus rien à se dire. Ça, c'est une autre histoire. Mais on peut aussi s'irriter d'être compris par tout le monde, par des proches dont on voudrait peut-être qu'ils s'éloignent un peu. Alors, on peut, sinon totalement inventer une autre langue, du moins transformer quelque peu sa langue, en conserver les grandes lignes, mais faire en sorte de n'être pas compris par tout le monde. Le français avancé, vous connaissez ? Voici un extrait des Papous dans la tête de Bertrand Jérôme et Françoise Tressart, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 décembre 1998, les grandes banlieues de la francophonie. Les grandes banlieues de la francophonie ou le français avancé, suite. Le français avancé en Afrique francophone, c'est la langue familière, dérivée du français. Par exemple, une cellulaire, terme technique pour désigner le téléphone portable. Une cellulaire en Côte d'Ivoire, c'est une jeune femme mince, très mince, qu'on aimerait tenir dans sa main. Voilà, et un guérisseur. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais attention, si vous lui en demandez et qu'il ne vous en donne qu'un tout petit peu, eh bien vous direz, celui-là, il m'a soigné, il ne m'a pas guéri. Nous poursuivons ces conversations africaines avec Blaise Ndjeoya, Sidiki Bakaba, Freddy Ndongbeng, Ferdinand Batsimba et Bashir Ndaye. Sidiki, vous nous proposez une expression. L'homme qui est couché, est-ce qu'il peut tomber ? Il ne peut pas tomber. Celui qu'on appelle chez nous en bas des en bas. En bas. Il y a en haut et puis il y a en bas. Mais ce n'est pas posé comme ça, hein, c'est posé comme ça. En haut, on connaît les papiers, on a des places, on a des situations, on est riche. On est d'ici. Mais en haut, là, il y a en bas aussi d'en haut. Oui, c'est des petits fonctionnaires, ils n'ont pas de sous, mais ils galèrent tout le temps. Oui. La classe moyenne. Voilà, pour eux, il y a drap tout le temps. Matin, midi, soir, il y a drap. Drap, le problème. Donc, il ne peut pas descendre, il ne peut pas aller en bas. On ne veut pas de lui en bas. Il ne peut pas grimper non plus. Aux gens d'en haut et en haut. Maintenant, en bas, il y a en haut et en bas. Oui. Le en bas de en haut, là. Oui. Souvent, c'est El Hadj, c'est un grand commerçant, il est très riche. Ils sont généralement très riches. Oui, mais ils sont en bas quand même. La capacité, c'est pas lire. Il prend le journal, le lit à l'envers. C'est pas grave, il a des comptes, il a des conteneurs qui débarquent. Mais on l'appelle, c'est un guérisseur aussi, c'est en haut de, il est en haut et en bas. Oui. Mais lui, il traite avec les gens d'en haut et en haut, ce qu'on peut consulter. Mais les gens d'en bas et en bas, ils sont les plus heureux parce qu'eux, ils n'ont pas de problème de descendre. Ils n'ont pas de problème de dire on veut un avancement en haut. Non, ils sont heureux. Ils sont couchés. Ils disent, mais un homme est couché, est-ce qu'il peut tomber encore ? Non. Ben, ça s'appelle de l'exégèse philosophique socialo-urbaine africaine. Alors, tu dis, il est doux, il est en bas. Oui, il est en bas, mais où de en bas ? Il est en haut et en bas. Ah bon, donc c'est un ça bon va, type. Ça va. Mais lui, il est où ? Il est en bas. En bas de où ? En bas de en haut. Oh, mon Dieu. Parmi les en bas des en bas de Côte d'Ivoire, surtout d'Abidjan, il y a tous les petits commerçants, les petits vendeurs à la sauvette qu'on appelle les banabana. Je crois que ça vient de chez nous, c'est Djoula, les banabana. Alors, l'équivalent banabana au Cameroun, ça vient du pidgin, c'est le bayam selam. Enfin, donc au Cameroun, en français avancé, lorsqu'on veut parler d'un monsieur qui applique l'article 15, non pas pour aller voler sur les étals, mais vendre ses petits fruits ou ses arachides grillés, ou même des tissus, un petit commerçant au détail ou un commerçant à la sauvette, on l'appelle un bayam selam. Il faut pratiquer un peu le pidgin pour le savoir. Donc, un Bayam Selam, c'est à peu près tout le monde qui n'a pas de travail. Mmh. Oui, Bayam Selam, mais oui, évidemment, en pidgin, Bayam, oh. il sait. Mmh. Il fait le petit commun. Bayam Selam. En parlant des gens d'en haut, en fait, oui. ce fameux mec qui est au Congo, qui s'appelle Otombongo, oui. c'est vraiment un milliardaire, quoi. Alors, ce mec, quand il arrive, par exemple, à la présidence, qu'il y a des gens qui l'interpellent, en lui demandant s'il a eu l'audience, tout. Il dit, moi, Otombongo, tu me demandes si j'ai l'audience. Moi, je rentre comme ça chez le président. Moi, je respire l'air pur. Comme le président, tu me demandes si j'ai l'audience, si je dois prendre l'audience. Oui, parce que celui, il y a ceux qui respirent l'air pur, voilà. Il y a ceux d'en bas en bas qui donc ont l'air pur. Donc, en fait, les gens qui sont au niveau du sol respirent l'air pur. Voilà. Sidiki, oui. Non plus de problème. C'est ce que je vous disais la dernière fois à propos de ceux qui bronzent et de ceux qui sont boucanés. Ouais, c'est une expression vrai. Camerounaise. On en a marre d'être boucanés, on veut bronzer. Le président, en haut, il bronze. Il est plus près du soleil, oui. Ah oui, il bronze. Non, et puis bronzer, c'est façon de dire. On bronze sur la Côte d'Azur, c'est une façon de vivre. Le gars qui bronze et le gars qui est brûlé, boucané, c'est pas du tout la même chose. Je voulais juste ajouter quelque chose qui, cette fois-ci, je pense que c'est valable pour toute l'Afrique francophone. Vous allez comprendre, parce que c'est depuis l'époque des ajustements structurels, là, depuis qu'on est régé par la Banque mondiale ou le FMI. La conjoncture. Alors, voilà. Exactement, ça c'est un des premiers mots qu'on a gardé. Lorsqu'un homme ou une femme a perdu son boulot par suite d'un ajustement structurel ou une boîte qui privatise, on dit de lui ou d'elle que c'est un ou une conjoncturée ou une comprimée ou un compressé. Je pense que ça c'est valable. Je pense que ces mots-là, je les ai retrouvés dans partout. Toute l'Afrique francophone, depuis les grandes lois de la FMI et de la Banque mondiale. Si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez. D'ailleurs, même à Brazza, par exemple, une femme... qui a maigri vachement, on dit qu'elle a eu l'ajustement. Elle a été ajustée. Ouais, elle a été ajustée. On l'a ajustée. Alors, sauf qu'au Gabon, on n'est plus à l'expression conjoncture. Conjoncture est devenue confiture. Confiture. Voilà, c'est la confiture, ça veut dire les temps sont durs. C'est le suprême de déconfiture. C'est voilà. La confiture. Alors, sinon, en fait, les gens d'en bas, à Brazza, on les appelle les balados ou à Kinshasa. Les balados. Les gars qui se baladent. Les balados. Après, les balados, en parlant des gens riches aussi, peuvent finir... Il y a des balados après qui deviennent des poussins. C'est-à-dire des gigolos, quoi. Aïe. Les balados, ce sont des moineaux, c'est des SDF jeunes, voilà. Tout petits, qui vivent en bande, qui s'en sortent, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. Ouais. Moi, j'ai les cool mongers. Quand on dit que quelqu'un, c'est un cool monger, ça veut dire des mauvais garçons de la rue qui agressent les loupards en Côte d'Ivoire. Ah, maintenant, il y a les cobras et les ningas au Congo. Les cool mongers. Cool, oui, du mot anglais, cool. Voilà, non, K-O-O-L. Voilà, cool mongers. Mais dans le même ordre d'idée, dans les années 70, en Guinée, il y avait une expression qui s'appelait « né pour tuer », pour caractériser un type qui était vraiment un danger dans le quartier. On dit « lui, c'est un né pour tuer ». Parce qu'il y avait eu un film... comme les films violents des années 70 dont on nous abreuvait en Afrique avec les films hindous et les films de karaté, il y avait eu un film qui s'appelait « Né pour tuer » avec un tueur hyper... genre avant l'inspecteur Harry, des trucs encore plus nazes, des trucs... bon. Et les gars, le balance. Film avait eu du succès à Conakry parce qu'à un moment, le héros se retrouve dans un cul-de-sac et machin, en pleine nuit, et il y a un bruit, il se retourne, et puis il tag quelqu'un, et il lui dit « c'est sûrement un rat ». Et les gars ont entendu « c'est Semara ». Or, en soussou, « c'est Semara », ça veut dire « ce n'est rien ». Et donc, les gars sont sortis du cinéma en disant « mais ça parle même du soussou dans le film ». Alors, « né pour tuer » est devenue l'expression, tu vois. Un type vraiment sérieux, même pas forcément un mauvais garçon. Un type machin, on dit « oh, laisse-le tomber, lui, c'est un né pour tuer ». Restons dans le cinéma. Ah, ça, c'est bien. Alors, tu as... oui. Ouais, parce que le cinéma nous a donné beaucoup, beaucoup de mots génériques. Là, on parlait des riches, mais on pourrait parler des gens braves, forts. Dans le western américain, ils ont le mot Yankee. En camerounais, si on vous dit ne t'amuse pas avec le gars, là, c'est un Yankee. C'est un Yankee. Donc, ça veut dire que l'affaire, il ne faut pas le chercher. Ou on peut dire un Joe. Un Yankee. Les Ivoiriens disent plutôt un Joe. Un Joe, oui. Mais le cinéma hindou nous a fait connaître toutes sortes d'archétypes. Alors, dans le film hindou, le héros, le premier rôle, on l'appelle le contre. Celui qui a tout le monde contre lui. Le contre. Et il a toujours un faire-valoir. Qui est une sorte de Sancho Passa, on l'appelle le Zamzam, parce qu'il fait rire tout le monde. Donc vous avez Yankee, vous avez le contre, vous avez le Zamzam, c'est trois mots, le néologisme que nous devons effectivement à cette jeune industrie, née à notre siècle, qu'on appelle le cinéma. Bravo. C'est voilà. Nous, le bravo. Le bravo. Ouais. C'est le brave. Oh. Ouais, et puis surtout parce que bravo. Le personnage principal. Oui. Ouais, le bravo, le héros. Ah ouais, le bravo. Le héros, non, lui, ça c'est un, c'est ça, le bravo. C'est un bravo, ça, attention. D'ailleurs, dès qu'il apparaît, les gens disent ah, bravo, ouais, bravo Nike. Ouais, ouais, ouais. Bravo, le bravo est arrivé. Ouais, et le c'est bravo, pour ça là. Que beaucoup d'Africains se donnent des surnoms qui sont des noms d'Amérique ouais. du Sud, quoi. Parce Ringo. Que c'est des héros qui viennent de l'ouest du Rio Bravo, de Rio, je sais plus comment on appelle ça. Et le bravo, ça venait aussi du fait que quand les gars allaient au cinéma pour la première fois, le cinéma, c'est les blancs qui emmenaient ça. Donc c'était les blancs qui allaient dans le cinéma. Les premiers gars qu'on avait. Admis dans le cinéma, quand il y avait une bonne action, les Blancs disaient bravo, bravo, bravo. Donc ils ont gardé le bravo. Mais au Sénégal, on ne l'appelle pas le bravo, on l'appelle le jeune homme. Ah. Jeune homme. Quand le gars arrive avec ses deux colts dans la ruelle du saloon pour le duel, là, on dit oh, jeune homme, le jeune homme. Donc le héros au Sénégal, c'est un jeune homme. Ah, ouais. Jeune homme. Même à 70 ans, c'est ah, oui. Gary Cooper. John Wayne, c'est un jeune homme. Au Gary Congo, Cooper. Au Congo, d'ailleurs. Il y avait plein de jeunes qui portaient vachement les noms des acteurs connus. Tex, Guiliano Gemma, c'est des immortels. Ringo. Donc d'ailleurs, quand ils revenaient au cinéma, par exemple, quand ils avaient vu un film, qu'il y avait quelqu'un qui était tué, qu'il était mort, ils revenaient le lendemain et qu'il était encore à l'écran, ils se disaient, mais attends, il est encore vivant, lui? Non, c'est pas possible. Franco Nero a été très célèbre en Afrique. Le roi des séries Z, Franco Nero. Alors, au Gabon, quand on regarde un film, il faut dire que le rôle principal, donc, on l'appelle l'acteur. Mmh. Ah, alors, acteur. Quand quelqu'un regarde un film, il dit, c'est qui l'acteur? Il est en train de demander, c'est qui a le rôle principal? Mmh. Ce qui veut dire que, bon, John Wayne, ça, c'est l'acteur. Le jeune homme. Le bravo, le jeune homme. Et bon, après, il demande, c'est qui le chef de bandit? Donc, d'un chef côté, de bandit, voilà, chef alors, bandit. Tout le monde n'est pas acteur. Ça, c'est partout en Afrique, le chef bandit. On a l'acteur. Il y a l'acteur et il y a les autres. Il y a le chef de bandit, c'est tout. Mais l'acteur, c'est le rôle principal. Et quand il y a une femme qui a un rôle un petit peu important, comment on l'appelle? Disons que bon, dans ces années où il y avait toujours l'histoire de cowboy, de machin, les mâles s'imposaient plutôt. Alors je veux dire, bon. Il y a toujours une femme magnifique dans un saloon. C'était le repos du guerrier. C'est le repos du guerrier. Ça ne compte pas. Il y a un moment très important dans les films hindous ou les films de western, fût-il spaghetti, en tout cas au Cameroun, dans les salles des quartiers pauvres, des matiti, des maquis, les spectateurs ou tristes. Attendre le moment où on va voir la séquence à l'image qui est l'affiche du film. Mmh. À ce moment-là, qu'il y ait X personnes dans la salle ou 100, vous entendez X poumons qui crient « Affiche !» Et à partir du moment-là, certains peuvent même sortir et s'en aller, ne plus voir le reste du film. Voilà, absolument. Un peu le spectateur. L'intrigue, ouais. Imaginez toute une foule de spectateurs qui, à plein poumon, à la même seconde, se lèvent, pointent l'écran du doigt, « Affiche !» Dans les quartiers populaires en Afrique, dans les salles de cinéma, tu as toujours quelqu'un de fois qui explique les films, qui est là, qui décrit ce qui va arriver. Quoi. Ouais. Vous allez voir, il va ouvrir la porte, il va entrer, il va tuer l'autre. Non, parce que les gens ne parlent pas français. Il faut bien voir que quand les films arrivent doublés, ils ne parlent pas français. Moi, tous mes amis en France, tous mes amis ne veulent plus aller au cinéma avec moi. Parce que je commente, c'est devenu une seconde nature. Mais aucun de mes amis, quand ils me disent, bon, tu veux... Ah non, Bachir, toi, on ne va pas avec toi. Ou alors, tu t'assois de l'autre côté. Parce que c'est vrai que j'ai gardé ce truc du pays. On partage le film, on le vit. D'abord, avant le cinéma, la séance, d'abord, les gens sont là, ça crie, ça se salue. Une salle de cinéma en Afrique, c'est comme le marché. Et puis, quand le film commence, mais c'est épouvantable. Ça commente, ça machin. Je me souviens avoir vu à la ville de l'Abbé, qui est la ville de mon grand-père, j'avais amené un copain français au cinéma, j'ai dit, viens voir ça, t'as jamais vu ça de ta vie. Allons au cinéma du quartier. On y est allé. Il y avait un film justement avec Belmondo que j'avais déjà vu. Je crois que c'était Le Professionnel ou une de la série des Georges Lautner, etc. Bon, le film, le cinéma, c'était un grand hangar. Il a 50 ans, ce cinéma. Il n'y avait pas d'écran. Il y avait le mur blanc. Il y avait des bancs. Et le film était projeté. Donc, c'était une très mauvaise copie avec un son horrible. Ça veut... À chaque parole, c'est... Moi qui avais vu le film... Et qui parlait un peu français, j'arrivais à saisir des bribes, mais les autres qui ne parlaient pas français, qui n'avaient pas vu le film, zéro. Alors ce qui était drôle, c'est qu'effectivement, il y a le gars qui en sait plus, l'intellectuel du quartier. Donc il est là avec ses petits, hein, ses Tiballo là, pour leur expliquer le film. Alors comme lui, il ne comprend pas, il interprète le film. Alors moi, je disais à mon pote, je riais tout le temps, et mon pote me disait, français me disait, mais pourquoi tu ris? Je dis, mais parce que je vois deux films, moi. Je vois le film de Lautner, Belmondo, machin, et il y a le type qui est à côté, là, qui raconte ce qu'il comprend du film à tous les macaques qui sont à côté, là. Donc, moi, j'ai vu ce film de Belmondo dans une version que personne ne verra jamais, Parce qu'il aurait fallu prendre le commentaire de ce type-là et refaire le film complètement en fonction de son scénario, qui était très très bien d'ailleurs. Alors au Gabon, on n'a pas eu beaucoup de chance parce que bon, il n'y a jamais eu des cinémas donc populaires. Bon, ce qui fait que bon, à la limite, le cinéma restait un loisir réservé donc aux Mamadou, donc les gens de la haute société. Mais par contre, les gens, ils étaient très abonnés au petit écran parce qu'ils savaient très bien que tous les samedis soirs, effectivement, il y a un film Cowboy qui passe à partir de 21 à 23 heures et c'est à ce moment du délire pour que chacun puisse être en contact avec son acteur et puis le chef des brigands. Le chef Bandi. Et dans le chef de Bandi. Chef Bandi. Alors, ce qui fait que bon, il y en avait qui préféraient, pour eux, la passion, c'était l'acteur. L'autre, il préférait le chef de bandit, ce qui fait que très vite, devant le petit écran, on avait des employés, des discussions. C'est vrai qu'en Afrique, il y a des chefs de bandit célèbres, comme tous les rôles que jouait Richard Widmark, par exemple. Richard Widmark, qui jouait souvent des rôles de méchants, il est aussi célèbre en Afrique que les héros. Parce qu'en Afrique, dans les mentalités africaines, dans nos philosophies, par exemple, quand on voit dans l'épopée, la légende du Mandingue, Soundiata, qui a fondé l'Empire du Mali, a le même degré de popularité que Soumagoulou Kanté. C'est-à-dire que les guerriers sont valorisés en Afrique, mais il n'y a pas le bon et le méchant. Donc le chef des bandits, et souvent dans les westerns, les seconds rôles étaient campés quand même par types qui sont devenus, qu'on a connus, que ce soit Burke Lancaster, que ce soit Richard Widmark. Et donc en Afrique, même titre, le chef bandit et l'acteur, le jeune homme, le bravo, sont les deux stars du film. C'est pour ça que la femme, il n'y a pas de place pour la femme. Elle ne compte pas. C'est le repos du guerrier. La femme, elle est l'accessoire du chef bandit ou l'accessoire du bravo, comme ses Colts. Et elle vient même après les Colts. Oui, mais ce qu'il faut, savoir, c'est qu'à chaque fois, dans ces salles populaires où il y a justement, dans le scénario, une détente comme ça, où le héros va aller vers une femme, mais c'est des hurlements dans la salle. Faut pas l'emporter, parce qu'on dit qu'il y a la guerre encore, mais pourquoi elle va le retenir? Donc les femmes, c'est très mal vu, ces scènes. En plus, souvent, ces scènes où on attend de l'action, on attend que le gars aille régler le compte, et elle est en train de déchirer. Tu attends, quitte là, oui, parce que. Il faut savoir. Il n'y a pas de femmes dans les cinémas. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elles font, les Africaines? Elles vont pas au cinéma? Voilà, dans les films indiens, les femmes, c'est plus des ballets. C'est plus. Il n'y a pas, par exemple, de baisers. Il n'y a pas de baisers dans les films hindous. C'est simplement quand ils se regardent, se mettent à chanter. Voilà, c'est ça. Et c'est les sous-titres qui nous disent « Ouais, tu es beau comme le soleil, tu es ceci, comme... » Et c'est tout. C'est-à-dire qu'à ça, ils vont. Mais quand les gens commencent à s'embrasser, là, ça perd du temps parce que c'est comme un match de foot. Parce que il faut pas... Pour la gouverne de Françoise que les Africains ne sont pas plus machos que les autres, c'est que la guerre est une affaire d'hommes. Tous ces films sont des films de guerre, de western, de violence. Et ça, en Afrique, dans nos mythologies, dans notre histoire, la guerre, et même en Europe, la guerre, c'est une affaire d'hommes. Donc les femmes dans la guerre, elles n'ont rien à faire. D'autant plus... qu'en Afrique, on n'a pas la même façon de faire l'amour que les Européens. Tous les petits câlins, les petits bisous, les petits machins, l'Africain, il n'aime pas ça. Quand il voit, quand je suis avec des cousins qui viennent en vacances, ils voient des gens se bécoter dans le métro, ils disent « mais c'est dégueulasse, ces gens n'ont pas d'éducation ». Ça ne peut pas. En Afrique, on ne tient pas même sa fiancée en marchant dans la main dans la rue, c'est vulgaire. C'est mal élevé. Mais en privé, on le fait. En privé, entre soi, on le fait, mais pas devant les gens qu'on ne connaît pas. Ah oui, c'est même choquant. Les câlins en privé. Ah non, pas de câlins. Pas. Mais maintenant, privé. Ça arrive, on ne peut pas. Ça ne se fait pas traditionnellement. L'histoire entre l'homme et la femme, c'est une histoire intime qui se passe entre eux, à l'abri des regards ou parmi des gens de même rang que leurs copains, leurs copines. Pas devant des gens plus âgés et tout ça. C'est un rituel. Deux copains. En plus, il y a une troisième raison pour laquelle les femmes ne comptent pas dans tous ces films-là, c'est que souvent dans les westerns, nous, on peut le comprendre parce que nous sommes des initiés. Il y a la figure de la pute au grand cœur. Et donc, le bravo, il ne peut pas tomber amoureux d'une pute. Il ne peut que s'en servir. Il ne peut pas tomber amoureux. Il n'y a pas ce romantisme-là. Il l'a trouvé dans un bordel au saloon. C'est une femme de rue. Il n'y a pas de femme pure dans les westerns. Dans les westerns, Il n'y a que des tenancières de bar. Et oui, de saloon. De saloon, c'est lui. Mais il y a une rédemption aussi. Donc ça n'embrasse pas vraiment l'humanité des femmes, je crois. Vous êtes trop chrétienne, Françoise, pour nous. Là, nous sommes plus païens que ça, c'est différent. Il faut que vous redeveniez un peu plus grec, antique. D'accord. Extrait des Papous dans la tête, les grandes banlieues de la francophonie par Bertrand Jérôme et Françoise Tressard, réalisation Monique Bailly, première diffusion sur France Culture, le 20 décembre 1998. On pourrait parler, au cours d'une semaine consacrée aux voix de la francophonie, des dictionnaires, de leur influence sur l'usage. Nous sommes un pays de droit romain, rappelle Claude Duneton dans l'émission qui suit. D'autre part, à majorité catholique, romaine. Et cela nous éloigne-t-il de la francophonie, du français? Pas du tout. Avant d'avancer ces raisons historiques et culturelles, on devise, vous allez l'entendre, sur la façon de se parler en public par micro interposé. C'était en 1992, le 18 mai 1992, un avoine nu entre Claude Duneton et Pierre Merle. Vous vous souvenez, Emmanuel Rantin? Pourquoi devrais-je m'en souvenir? C'était pour vous, vous voyez. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Claude Duneton s'entretient avec Pierre Merle. Premier entretien. Claude Duneton, on parle, tu parles, je parle, vous parlez. Qu'est-ce qu'on se dit, vous, tu? Alors, Pierre Merle, le problème se pose. Étant donné que nous pouvons choisir entre tu et vous. Alors, l'usage est qu'en public et dans les radios, dans les TSF et les télévisions, les gens se vouvoient, ou se voussoient. Le problème, c'est que nous nous connaissons depuis longtemps, nous sommes amis, nous nous tutoyons, donc... Pas d'hypocrisie. Et je trouve que c'est ennuyeux de ne pas se tutoyer alors qu'on se tutoie dans la vie. Moi, je n'ai que cette règle-là, parce que si nous nous mettons pour complaire à, disons, à l'institution, au canal hertzien dans lequel nous fonctionnons, là... On ne va pas être naturel. Oui, parce que ça, toi comme moi, on l'a vu 100 fois, des gens qui se tutoient, qui se connaissent bien, qui sont amis, et puis alors, pour ne pas donner à l'auditeur l'impression qu'il est exclu, alors on se vouvoie. Alors nous, on va se tutoyer. Mais cela dit, je voudrais préciser que je suis, moi, pourtant, très en faveur du vouvoiement. Je trouve le vouvoiement très joli. Alors, je dis là, c'est bien parce que c'est pour ne pas prendre une attitude vis-à-vis l'un de l'autre. Et bon, avoir une espèce d'attitude sincère par rapport au discours qu'on a envie de tenir. Mais je suis, moi, assez en faveur du vouvoiement. J'aime beaucoup. Il y a des gens dans ma vie, dont l'un est un personnage qui était José Pivin, qui était un réalisateur de France Culture et qui était en même temps un musicien. Enfin, c'était un poète de la radio. Nous étions très amis, j'ai été un de ses amis intimes et je ne l'ai jamais tutoyé parce que j'avais une grande admiration pour lui et je trouvais que c'eût été pas bien du tout de ne pas lui dire « vous ». Et il y a plusieurs personnes aussi dans ma vie que je n'ai jamais tutoyées. Et moi, je trouve que c'est un jeu intéressant de la langue française. Parce que c'est un code, oui. Oui, par rapport aux femmes, aux maîtresses aussi, par rapport aux relations, dans le travail aussi. Enfin, il y a des choses assez étonnantes là-dessus. Oui. On a constaté tous que, par exemple, dans le travail, il y a des gens qu'on tutoie, qu'on appelle par leur prénom, ceux qu'on vouvoie en les appelant par leur prénom, ceux qu'on tutoie en les appelant par leur nom, et ainsi de suite. Les deux seules personnes qu'on vouvoie avec leur nom de famille dans l'entreprise étant le patron... Et généralement, la personne qui tient les cordons de la bourse, c'est-à-dire qui vous fait la fiche de paye à la fin du mois, voilà, c'est deux marques de respect assez qui oui. demeurent. Mais c'est très marrant, ces codes non dits, non écrits, mais que pourtant tout le monde applique comme ça. Il y a eu, évidemment, une grande démultiplication du tutoiement depuis les années 70, parce qu'il y a eu comme ça un côté jeune, c'était le... la production de mai 68 où les gens se sont tutoyés. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que c'est un petit peu dans l'ensemble de l'Europe que les gens, tout un groupe d'âge s'est mis à se tutoyer. Et bizarrement, même lorsque la langue ne le permet pas en principe, c'est-à-dire qu'en anglais, qui, comme certains savent, le tutoiement est tombé en désuétude depuis deux siècles, eh bien, les gens tutoient quand même en anglais, parce que comme ils n'ont pas la forme, la deuxième personne du singulier, ils compensent par des formes qu'on appelle hypocoristiques, c'est-à-dire les prénoms, les diminutifs, les petites choses comme ça. On sait très bien, quand on parle anglais, si on tutoie la personne qui est en face ou pas. Il y a l'usage du prénom. Mais je trouve que c'est une plus grande souplesse qu'a le français de pouvoir jouer entre le « tu » et le « vous ». En même temps qu'il y a quand même une certaine solennité, parce que le jour où on dit à quelqu'un « tiens, si on se tutoyait », bon, c'est quand même, on franchit un pas, une marche importante. On franchit des marches, oui. C'est vrai que la norme dans tout ça est un petit peu caduque. Enfin, qui a jamais donné la norme du tutoiement ou du vouvoiement? À quel moment on doit tutoyer ou vouvoyer? C'est au feeling, comme on dit. C'est au feeling, comme on dit en très bon français. C'est l'usage. Moi, je trouve que c'est bien que les choses se fassent comme ça, par l'usage. On a un peu trop tendance en français à avoir été instruit par des règles en disant « ah oui, mais il y a des façons de faire ». Et c'est toute l'histoire de la langue, ça, d'avoir fonctionné comme ça, coupé de l'usage. Parce que nous sommes un pays de droit romain, et d'autre part, à majorité catholique romaine, nous avons donc... toute notre pensée depuis des siècles a été qu'il y a des règles et que l'on doit suivre des règles, ce qui est tout à fait différent dans des pays de droit coutumier où on se réfère à l'usage. Et les langues nordiques, l'anglais, les langues scandinaves, sont des langues d'usage. Peut-être qu'il serait temps, en France, que l'on fasse une espèce de cote. Maintenant, si on veut tenir encore un siècle, on peut espérer comme ça de parlure en français, il faut bien qu'on finisse par admettre l'usage. Et c'est une chose qui a bougé énormément depuis 30 ou 40 ans. Et de fait, d'ailleurs, aujourd'hui, les dictionnaires, si on prend la langue écrite, les dictionnaires sont un peu dépassés par l'usage. Si on se réfère à ce qu'on entend ou même à ce qui s'écrit... la norme a tendance à être débordée, encore qu'il y en a qui voudraient la rétablir. Bon, il y a un peu une querelle des anciens et des modernes là-dessus. Là aussi, les dictionnaires se sont enrichis. Par exemple, quand je dis les dictionnaires, je parle surtout de celui que j'utilise, qui est le Grand Robert, et qui est d'ailleurs mis au point périodiquement, sans que ce soit des éditions nouvelles. L'informatisation permet de suivre le train, c'est-à-dire de modifier, d'apporter des citations lors des réimpressions, ce qui est tout à fait extraordinaire, ce qui est une façon de suivre l'usage que n'avaient pas, effectivement, les gens d'autrefois. On parle d'usage, bon. Mais le français est une langue qui a eu besoin, à un moment de son histoire, d'avoir des guides, d'avoir des règles, d'être canalisé. Alors là, je vais me faire dans une certaine mesure, le défenseur de l'Académie française, historiquement. Ça peut paraître une blague, mais ce n'est pas une blague du tout. Parce que, qu'est-ce que c'était la langue française au XVIIe siècle? C'était, d'une part, un certain nombre de dialectes un peu partout, dans la moitié nord du royaume. C'était, d'autre part, la langue de la cour qui... pour des raisons politiques, s'est coupé de plus en plus du reste de la population et du peuple. Or, c'est une langue qui se voulait une langue de cour. C'est une langue, donc, qui avait besoin de normes. Et il fallait bien que quelqu'un surveillât cette norme. Donc, l'Académie française, créée en 1636, a servi à ça. C'est-à-dire que, une langue qui est populaire, qui est issue du peuple, où c'est l'usage courant, l'usage très large qu'en fait une population qui importe, n'a pas besoin de cercle officiel pour dire « on va dire ceci, on va dire cela ». Tu sais, les étrangers demandent souvent « mais pourquoi vous avez eu besoin d'une académie française ?» C'est une question qu'on Bonne me question, pose. Hein. Hein. Ben parce que c'était nécessaire. Parce que de la même façon, d'ailleurs, que si vous avez un jardin, si vous avez un carré de terrain et que vous laissiez pousser ce qui pousse dedans, vous n'avez pas vraiment besoin d'un jardinier. Mais si vous voulez avoir un jardin avec des allées, avec même un jardin potager, avec des produits, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui cultive ce jardin. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui trace les allées et qui enlève les mauvaises herbes. Bon. Et je crois que la comparaison est assez bonne en ce qui concerne la langue. C'est une langue cultivée. Elle se voulait cultiver. Et pour la cultiver, il fallait que quelqu'un la surveilla. Et ça a été le rôle de l'Académie française pendant deux bons gros siècles, jusqu'au milieu du 19e siècle. Et il est à remarquer que les gens, à ce moment-là, qui avaient du pouvoir, c'est-à-dire sur la langue, qui étaient les écrivains connus, les écrivains célèbres, étaient aussi de l'Académie. Victor Hugo, dans toute sa célébrité, a fait absolument des pieds et des mains pour être de l'Académie, pour entrer à l'Académie au XIXe siècle. Mais au XVIIIe siècle, les gens de l'Académie, bon, Diderot et Rousseau mis à part, qui étaient des caractériels, les autres étaient des gens qui étaient de l'Académie française. Voltaire est un membre éminent de l'Académie française qui a, par la suite, continué à désigner, je crois, le fauteuil de Voltaire, etc. Or, Voltaire a joué sur l'histoire du français, lui personnellement, un rôle important de phare dans la direction élitiste que prenait la culture et la langue française à l'époque. Alors la référence à Hugo est intéressante parce que d'un autre côté, Hugo fait partie de ces auteurs qui ont fait entrer dans la littérature un certain nombre de types, de personnages typés avec leur langage à eux, typés. Balzac l'a fait aussi, d'autres. Ça, c'est intéressant. Il y a comme une espèce de contradiction entre les deux choses, entre la volonté d'être reconnu comme faisant partie du côté normatif, et puis d'un autre côté, de faire rentrer des choses qui étaient quand même un petit peu nouvelles, c'est-à-dire des parlers peuples, on voit ça chez Maupassant aussi, des parlers par les paysans, des parlers... Oui, c'est-à-dire que... Un peu étrange à ce moment-là. Ça, oui, c'était nouveau. Oui, ben, c'est-à-dire ce qui était nouveau, c'est que... Oui, enfin, c'est les suites un petit peu de l'élitisme, c'est le revers, enfin, de l'élitisme qui a été celui du XVIIIe siècle. Les conséquences des écrits de Voltaire sur la langue française sont grandes, pas tellement parce qu'on a beaucoup lu Voltaire après, au XIXe siècle, mais parce qu'il a servi de référence à Monsieur Émile Littré, c'est-à-dire... Monsieur Émile Littré a fait un dictionnaire qui est paru complété en 1877, le supplément, et cet homme avait un culte pour Voltaire et l'opinion de Voltaire sur la langue. Bon, c'est l'histoire de, par contre, pourquoi les professeurs pendant 100 ans ont refusé sur les copies, par contre... alors que ça se justifie. Il est malade, mais par contre, son frère est en très bonne santé, alors que c'est tout à fait bien formé, que tous les écrivains l'ont employé. Et pourquoi ? Parce qu'il y a... Et qu'en revanche, d'ailleurs, ne traduit pas la même chose. Et qu'en revanche, c'est tout à fait différent. Il y a là-dessus des diatribes de Gide, je crois. Mais tout simplement parce que Littré conclut en disant « grammaticalement, par contre, est une très bonne expression », mais Voltaire a dit qu'il fallait l'éviter. Donc, et il faut suivre, en toute occurrence, l'opinion de Voltaire. C'est tout de même assez extraordinaire. Alors il faut savoir que tout le français qui a été enseigné, à la fois par l'école et l'université, depuis le dernier tiers du XIXe siècle, a été... à partir de la Bible que représentait Littré. J'ai connu, moi, des professeurs qui refusaient en 1958, par exemple, de consulter tout autre dictionnaire que celui de Littré. Alors qu'il n'y a pas l'avion, alors qu'il n'y a pas automobile, alors ça qu'il y a... C'est quand même quelque chose. Ça n'avait aucune importance. Oui. C'est le dictionnaire en béton. Quoi. Voilà, ces gens étaient d'un certain âge, avaient été instruits par Littré et refusaient toute autre norme. Et alors, c'est là que cette notion de norme a été très très forte, et d'une certaine façon, mais ça on pourra en reparler, dommageable par rapport à ce qui s'est passé à ce sujet dans l'enseignement. Alors donc, il faut voir donc quelle était la position de Voltaire. La position de Voltaire était la suivante. C'était un élitiste. Il pensait, lui, que un pays, une culture, appartenait à quelques milliers de gens instruits, intelligents et sensibles, et que le reste ne valait pas tripette. Alors, il dit, par exemple, il n'y aurait guère que 2000 sages en France, mais ces 2000, en 10 ans, en produisent 40 000, et c'est à peu près tout ce qu'il faut. Car il est à propos que le peuple soit guidé, et non pas qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. Il écrivait ça le 19 mars 1766, et quand même son correspondant, qui s'appelait Damy Laville, avait trouvé la chose sans doute un peu forte. Aussi, le 1er avril suivant, Voltaire précisait sa pensée dans une autre lettre. « Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple. Que vous croyez digne d'être instruit ? J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. Cette entreprise est assez forte et assez grande. » Non, c'est pas pour jeter la pierre à Voltaire en disant il n'était pas... D'ailleurs, il n'était pas du tout démocrate, hein, cet homme. Mais c'est pour dire dans quel esprit de rejet de tout ce qui a pu être l'usage, le français s'est épanoui en tant que langue, alors là, on peut dire de classe sociale, au XVIIIe siècle, avec d'excellents côtés à ça. C'est-à-dire tout l'aspect aide à la réflexion philosophique, parce que c'est vrai que c'est une langue qui, étant dégagée d'une partie de son affectivité, conceptuelle plutôt, ouais, est devenue beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile pour manier des concepts, et c'est vrai que les gens se sont mis à réfléchir en français d'une façon intéressante. Cela dit, des gens comme Locke, des gens comme Newton se sont mis aussi à réfléchir en anglais d'une façon qui était intéressante. À voix nue, grand entretien d'hier et d'aujourd'hui, Claude Duneton, extrait de la première émission proposée par Pierre Merle, diffusée pour la première fois sur France Culture, le 18 mai 1992. J'ai très bien posé la question. C'était France Culture, 50 ans de radio. Une émission de Philippe Garbi et Emmanuel Laurentin. 50 ans d'amour, ça ne s'oublie pas. La création. L'ombre vole, le ciel vole, chapeau vole, et vole aussi mon cœur plein de bonheur. Demain, demandez le programme de demain. Un anniversaire, les 40 ans de la CRPLF, la communauté des radios publiques de langue française. Il faut dire que les 40 ans eurent lieu en 1995. Puis une rencontre avec Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et enfin, une émission sur la différenciation sexuelle dans la conversation. Document INA, Sophie Gillery, Hervé Evano, Aude Vassan, Véronique Jolivet. Mixage, Guillaume Ledoux. Prise de son, Claude Niort. Réalisation, Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr, à la page de l'émission durant 1000 jours, ou la télécharger pendant 15 jours.